정치로 The Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui, malgré tout, écoute le cinéma. Pendant une heure, on va écouter des chansons de films, des musiques de films, des bandes annonces et on parlera du dernier film de Luc Jacquet, La glace et le ciel. Toiles et Sillons, c'est aussi le site internet toilesetsillons.fr. Pour tout savoir, des films dont on écoute les musiques et les chansons, vous pouvez retrouver les émissions en podcast, en direct ou à télécharger. Il y a également la page Facebook. Toiles et Sillons. On commence comme d'habitude en chanson avec un film de John Avnet sorti en 1996, personnel et confidentiel avec Robert Redford et Michelle Pfeiffer, entre autres. On y retrouvait aussi Stockard de Channing. La chanson du film Because You Love Me était chantée par Céline Dion. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the I'm not afraid. C'était Céline Dion dans Toiles et Sillons en 1996 pour le film Personnel et Confidentiel, la chanson Because You Loved Me, un film sorti récemment, pas dans les salles, mais c'est une production Netflix, donc il est disponible en DVD ou en VOD. Il s'agit de Beasts of No Nation, un film de Cary Fukunaga avec Idris Elba, entre autres, un film qui parle des enfants soldats embrigadés dans une armée en Afrique. On va écouter la bande-annonce du film et un extrait de la musique qui est signé Dan Romer. What is this thing doing here? What are you doing here? Who is responsible for this thing? Now, what are they calling you? Agu! I saved your life. I saved your life. I saved your life. Go! All of you that have seen your family killed, you now have something that stands for you. It has put the weapons of this war back in the hands of you, the young, the powerful. I'm a good follower, sir. I will always protect you because you are my son. And a son always protects a father. Men, you remember me. You are my family. Are you ready to fight? Only taking the brave. Yes, sir. Victory. Yes, sir. Victory. Yes, sir. Seizes. En 1973, un film de Patrick Jamin avec Maurice René, Jean-Pierre Mariel, l'affaire Crazy Capo. C'était un extrait de la bande originale de ce film signé Vladimir Cosma. Je vous emmène maintenant, pas très loin, l'année d'avant, en 1972, avec un film du grand René Clément à qui on doit entre autres Paris brûle-t-il ou encore Plein Soleil. Là, c'est un film qu'il a réalisé avec Jean-Louis Trintignant, Léa Massari, beaucoup d'autres acteurs français ou italiens, et surtout une grande vedette américaine, Robert Ryan. C'est un polar qui s'appelle La course du lièvre à travers les champs. On va écouter la bande-annonce du film, et puis juste après, un extrait de la musique qui était signé Francis Lay. Ne seront jamais des grandes personnes. À quoi jouons-nous ? À Colin Maillard ? À se faire peur ? Aux gendarmes ou aux voleurs, à la balle aux chasseurs. Mais qui est le lièvre? Qui est le chasseur? Qui sera le plus cruel, le plus fort? Le plus malin? Toute notre vie, nous jouons. Nous jouons même notre vie. 1964, un film de Philippe de Broca avec Jean-Pierre Cassel et Jean-Claude Brialy, un monsieur de compagnie. Nous venons d'entendre un extrait de la musique qui était signé Georges Delerue. Le dernier film de Luc Jacquet, à qui on doit entre autres La Marche de l'Empereur, est sorti il y a quelques semaines. Il s'appelle La Glace et le Ciel. Il met en scène l'aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de l'Antarctique. Luc Jacquet nous raconte l'histoire d'une vie extraordinaire de science et d'aventure, consacrée à percer au plus profond des glaces de l'Antarctique les secrets bien gardés du climat. Avant d'entendre la bande-annonce du film et un extrait de la musique signée Cyril Aufort, je vous propose d'écouter une interview réalisée par la chaîne TV5 de Luc Jacquet qui nous parle de son film. Alors, il raconte surtout l'histoire d'un type extraordinaire qui est parti en 56 en Antarctique, alors qu'on ne savait à peu près rien de l'Antarctique, et qui 30 ans plus tard nous a dit « Écoutez, ce que j'ai lu dans les glaces de l'Antarctique, c'est que l'homme est en train de modifier le climat de la Terre, et c'est un parcours incroyable, à la fois d'explorateur, de scientifique, une vraie aventure humaine, et c'est plutôt ça qui m'a attiré, plutôt que la dimension un peu méthodique sur le réchauffement climatique. C'est une vie d'opiniâtreté, de courage et de génie scientifique, c'est ce qui m'a aussi passionné dans cette aventure. C'était une anecdote peut-être, Claude a l'intuition un jour que les archives du climat sont inscrites dans la glace en regardant un glaçon dans un verre de whisky, et c'est de la glace profonde antarctique, donc qui est très très dense, et des bulles s'échappent, et il se dit, mais ces bulles, si je suis capable de les analyser, je suis capable de remonter dans l'histoire du climat, il va lui falloir 10 ans pour faire ça, ouais. Et après il va être capable finalement de lire dans la glace comme dans un livre ouvert. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il lit dans cette glace? Qu'est-ce qu'il lit? Il lit d'abord que les gaz à effet de serre sont directement connectés à la température. Ça veut dire que si vous avez l'un, vous pouvez prédire l'autre. Et après, ce qu'il voit, c'est que dès le début du 19e siècle, avec le début de la révolution industrielle, l'homme se met à relâcher massivement des gaz à effet de serre qui font monter la température. Et c'est lui qui, le premier, nous prouve ça scientifiquement et qui, dans les années 85, tire la sonnette d'alarme, alors que personne n'a entendu parler de ça. Aujourd'hui, c'est un bruit de fond, quelque part. Mais à cette époque, personne n'a entendu parler de ça. Et il va avoir un combat à mener considérable, tout simplement pour prouver que ce qu'il a découvert est vrai. Il paraissait important, effectivement, de revenir un peu dans l'histoire, pour comprendre que ces données-là sont venues dans des circonstances extraordinaires, des types qui se sont battus contre l'Antarctique, travailler 4 mois sur une expédition, moins 60, vous avez jamais chaud, vous réchauffez jamais, et malgré ça, ces scientifiques vont recueillir des données tous les jours avec une précision incroyable, et c'est de là que ça vient, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très exemplaire là-dedans. Un autre exemple, Claude va être capable de faire travailler des chercheurs français sur une base russe avec de la logistique américaine en pleine guerre, oui, froide, parce qu'ils avaient le sentiment que ce qu'ils trouvaient là, ça dépassait complètement les frontières politiques, et je trouve qu'il y a plein de choses exemplaires là-dedans. Oui. Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. Dans Toiles et Sillons, on écoute vraiment tous les cinémas. La preuve à l'instant, le film d'action avec Arnold Schwarzenegger, un film de Paul Michael Glaser de 1988. Running Man, un film qui avait déjà traité du même sujet dans Le Prix du Danger avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli. On va maintenant aller encore dans un autre genre, dans les années 50, en 1950. Très exactement, une adaptation très hollywoodienne de Cyrano de Bergerac, réalisée par Michael Gordon, avec José Ferrer dans le rôle de Cyrano, un film de KPDP assez loin de la pièce d'Edmond Rostand. Mais c'est la version hollywoodienne, on va écouter la bande-annonce et puis un extrait de la musique qui était signé du grand Dimitri Tiomkin. How do you do? And I, Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Cyrano de Bergerac, all of the three musketeers in one. An incredible, amazing, exciting man who had more of everything than any man alive. He could outfight any swordsman, offense any woman, outwit any heart, even his own. Imagine she has asked to see me. So now you're going to be happy. Happy? I'm going to be a storm, a flame. I need to fight whole armies all alone. I have 10 hearts. I have 100 arms. I feel too strong to war with mortals. Bring me giants! He challenged everything, risked everything, to win the woman he loved for the rival she adored. Your name is like a golden bell hung in my heart, and when I think of you, I tremble, and the bell swings and rings. Roxanne! Roxanne! We'll be right back. après le film de KPDP, le film de Marin avec les mutinés du Téméraire, un film de 1962 de Lewis Gilbert, que l'on a connu comme réalisateur de James Bond, avec Alec Guinness et Dirk Bogarde. C'était un extrait de la musique qui était signée Clifton Parker. Et nous allons arriver, eh bien, tout doucement à la fin de ce Toiles et Sillons, en espérant que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. N'oubliez pas d'ici là le site internet toilesetsillons.fr pour réécouter les émissions en direct, en podcast ou bien à télécharger. Et puis la page Facebook Toiles et Sillons pour tout savoir des films que l'on écoute. On va se quitter, mais pas tout de suite. On va d'abord être un petit peu plus léger avant de se quitter. Puisqu'en 2004, on va écouter la bande-annonce des Dalton, le film de Philippe Haïm avec, entre autres, Eric et Ramsey, et puis il y avait Jamel Debbouze également, et nous écouterons après la bande-annonce un extrait de la musique qui était signé Alexandre Azaria, et nous terminerons cette émission avec un western spaghetti, un tube de la musique de film, un film réalisé par Tonino Valeri et Sergio Leone avec Terence Hill et Henry Fonda en 1973, Mon nom est personne. La musique était signée bien sûr Ennio Morricone. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons, et d'ici là portez-vous bien, salut. Il était une fois dans l'Ouest, quatre frères carrément à l'Ouest. Bonjour, elles sont comment vos tomates? Partout, il semait la terreur. La tata ! On est à Wimper ! Mais t'es qui, toi ? On est les Daltons ! Les Daltons ! Les Daltons ! C'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui ! Los gringos, c'est la Providence. Les quatre bandits les plus recherchés de l'Ouest. Faut du sérieux. Le sérieux, ça, non. Ça s'appelle une banque. La banque la mieux gardée du monde. Tout le monde jette son arme. Il faut trouver une solution pour cette banque. Boum. Ça pourrait pas être un peu moins chef pour une fois? Qui c'est qu'on écoute? C'est Joe. Qui c'est qui décide? C'est Joe. Okay. Il me déclate, à moi qu'il me déclate. Oui. Ça va les Dalton? Vous avez des projets? Bon, on pense attaquer la banque imprenable. On est les dalles de Noël. Quand est-ce qu'on mange? Ça, c'était juste pour te rappeler qui c'est le chef. Une petite seconde, on finit quelque chose et on arrive tout de suite. On est...